le quartier Kérico, Cigaravana Coco, on veut le monde Chico, Porto Porto Rico, wesh le quartier Kérico, Cigaravana Coco, on veut le monde Chico, Porto Rico, Porto Rico, Porto Rico, Porto Rico, Porto Rico, Porto Rico, Porto Rico, Porto Rico, Porto Rico, MD, on se voit en Alicante. Reste cool, je te fais ta soirée. J'ai bu un verre, je suis qui est sur la taille, le cous. Il est en fumette, tous, tous. Pour mettre une bouche, pousse. Ça fait des soirées, mousse, mousse. Dans la fête à Bartanana, vers le soleil de Punta Cana. Mon collègue au fond du club, il fume la marijuana. Sur la tête, je veux le palmer. Côté passager, veut se caler. Le cupi vient me péter. J'prends la halba, showcase mon billet. Cigaravana, on se voit dans les îles. On voyage, cerveau sous résine. Cigaravana, on se voit dans les îles. On voyage, cerveau sous résine. Porto Rico, wesh le quartier Kérico. Cigaravana Coco, on veut le monde. Envoie les Khalissa Benga. Hela hela hela.